Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gourmet du Pré 1860. Question 55. Par quel moyen les anges connaissent? Que les anges connaissent par certaines espèces ou images intelligibles qu'ils reçoivent de Dieu. 1. Les anges connaissent-ils tout par leur substance? Les anges ne connaissent pas tout par leur propre substance, car il faudrait que leur essence renfermât toute chose en soi, ce qui est le privilège exclusif de l'essence divine. Disons plutôt, avec saint Denis, qu'ils sont éclairés par les raisons des choses, c'est-à-dire que, restreinte à tel genre et à telle espèce en particulier, leur essence, qui ne comprend pas toute chose en soi parce qu'elle n'est pas infinie, a besoin de certaines espèces ou images intelligibles, d'où elle tire sa perfection. De cette sorte, l'ange connaît les choses par certaines espèces ou idées, et non pas seulement par sa propre substance, qui ne lui en donne qu'une notion générale. 2. Ces espèces ou images sont-elles reçues des choses elles-mêmes? Non, Dieu, en qui elles préexistent, les a produites dans l'entendement des anges au moment de leur création, elles sont innées dans la nature angélique, qui, par une gratification divine, a naturellement toutes les espèces intelligibles propres à lui faire comprendre tout ce qu'elle peut naturellement connaître. Les anges n'ont pas besoin d'aller chercher les images représentatives dans les corps, puisqu'ils les possèdent naturellement par un don de Dieu. 3. Les anges supérieurs connaissent-ils par des espèces plus générales que les anges inférieurs? Ne manquons pas de faire observer que les anges supérieurs connaissent les choses par des espèces intelligibles plus générales que les anges inférieurs. Nous avons en nous-mêmes une preuve de cette vérité. Il y a des hommes qui comprennent plus facilement que d'autres. D'où leur vient cette supériorité, sinon de ce que leur entendement saisit un plus grand nombre d'objets par une seule idée? Il est très certain que la supériorité des intelligences existe en raison de ce qu'elles se rapprochent davantage de Dieu, qui voit tout dans l'unité de sa propre essence. Si donc les êtres que Dieu connaît par un seul moyen, les intelligences inférieures les connaissent par plusieurs, il faut que plus un ange est supérieur, plus il puisse connaître par un petit nombre d'espèces l'universalité des choses. Il a reçu, conséquemment, des formes intelligibles plus générales pour embrasser un plus grand nombre d'objets. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.